Chapitre 5e, le cas de Jean-Louis. Cela se passa comme le plus banal des faits divers, et avec une rapidité telle qu'Hortense en demeura confondue. Comme il traversait tout de la Seine en se promenant, une silhouette de femme avait franchi le parapet du pont et s'était précipitée dans le vide. De tous côtés, des cris, des clameurs, et puis soudain, Hortense avait empoigné le bras de Rénine. « Quoi ? Vous n'allez pas vous jeter, je vous défends !» La veste de son compagnon lui restait dans les mains. Rénine sautait d'un bond, et puis elle n'avait plus rien vu. 3 minutes plus tard, entraînée par le flot de gens qui couraient, elle se trouvait au bord même du fleuve. Rénine montait les marches de l'escalier, portant une jeune femme dont les cheveux noirs se collaient autour d'une face livide. « Elle n'est pas morte, » affirmait-il. « Vite, chez le pharmacien, des tractions de langue, aucun danger à craindre. » Il remettait la jeune femme à 2 agents, écartait les badauds et les soi-disant journalistes qui lui demandaient son nom et poussait dans un taxi Hortense toute secouée d'émotion. « Ouf » s'écriait-il au bout d'un moment. « Encore une baignade. Que voulez-vous, cher ami, c'est plus fort que moi. Quand je vois un de mes semblables qui plonge, il faut que je plonge. Nul doute, j'ai parmi mes ancêtres un Terre-Neuve. » Il rentra chez lui et se déshabilla. Hortense l'attendait dans l'auto. Il ordonna au chauffeur « Rue de Tilsitte. »« Où allons-nous ? » demanda Hortense. « Prendre des nouvelles de la jeune personne. »« Vous avez donc son adresse ?»« Oui, j'ai eu le temps de la lire sur son bracelet, ainsi que son nom. Geneviève Aymard. Alors j'y vais. »« Oh, pas pour recevoir la récompense due au Terre-Neuve, non. Simple curiosité. »« Curiosité absurde d'ailleurs. J'ai sauvé 12 de jeunes noyés. » Toujours le même motif, chagrin d'amour, et chaque fois l'amour le plus vulgaire. Vous allez voir ça, cher ami. » Lorsqu'ils arrivèrent dans la maison de la rue de Tilsitte, le docteur sortait de l'appartement où Mademoiselle Aymard demeurait avec son père. La jeune fille, leur dit le domestique, se portait aussi bien que possible et dormait. Rénine se présenta comme le sauveur de Geneviève Aymard et fit passer sa carte au père, qui accourut les mains tendues et les larmes aux yeux. C'était un homme âgé, faible d'aspect, et qui tout de suite, sans attendre qu'on l'interrogeât, se mit à parler d'un ton de détresse impitoyable. « C'est la seconde fois, monsieur. La semaine dernière, elle a voulu s'empoisonner, la malheureuse enfant. Moi, qui donnerais mon sang pour elle. Je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Voilà tout ce qu'elle trouve à répondre. Ah, j'ai très peur qu'elle recommence. Quelle horreur. Se tuer, elle, ma pauvre Geneviève. Et pourquoi, mon Dieu ?» « Oui, pourquoi ?» insinua Rénine. « Un mariage rompu, sans doute. »« Un mariage rompu, en effet. La chère enfant est tellement sensible. » Rénine l'interrompit. Du moment que le bonhomme s'engageait dans la voie des confidences, il ne fallait pas perdre son temps en paroles inutiles. Et nettement, avec toute son autorité, il exigea « Procédons avec méthode, monsieur. Voulez-vous ? Mademoiselle Geneviève était fiancée. » Monsieur Aymard ne se déroba point et répondit « « Oui. Depuis quand ?»« Depuis le printemps. Nous avons connu Jean-Louis d'Ormival à Nice, où nous passions les vacances de Pâques. Dès notre retour à Paris, ce jeune homme, qui habite ordinairement la campagne avec sa mère et avec sa tante, vint s'installer dans notre quartier, et les deux fiancés se virent chaque jour. Pour ma part, je vous l'avoue, Jean-Louis Beaubois ne m'était pas très sympathique. « Pardon, » fit remarquer Rénine, « vous l'appeliez tout à l'heure Jean-Louis d'Ormival. » C'est également son nom. Il en a donc 2. Je ne sais pas. Il y a là une énigme. Sous quel nom s'est-il présenté à vous ? Jean-Louis d'Ormival. Mais Jean-Louis Vaubois ? C'est ainsi qu'il fut présenté à ma fille par un monsieur qu'il connaissait. Vaubois ou d'Ormival d'ailleurs, n'importe. Ma fille l'adorait, et il semblait l'aimer passionnément. Cet été, au bord de la mer, il ne la quitta pas. Et puis voilà que le mois dernier, alors que Jean-Louis était retourné chez lui pour s'entendre avec sa mère et sa tante, voilà que ma fille reçut cette lettre. « Geneviève, trop d'obstacles s'opposent à notre bonheur. J'y renonce avec un désespoir fou. Je vous aime plus que jamais. Adieu. Pardonnez-moi. » Quelques jours plus tard, ma fille tentait une première fois de se suicider. « Et pourquoi cette rupture ? Un autre amour ? Une ancienne liaison ? Non, monsieur, je ne crois pas. Mais il y a dans la vie de Jean-Louis... C'est la conviction profonde de Geneviève, un mystère, ou plutôt une série de mystères qui l'entravent et le persécutent. Son visage est le plus tourmenté que j'ai jamais vu, et dès la première heure, j'ai senti en lui un chagrin et une tristesse qui ont toujours persisté même au moment où il s'abandonnait à son amour avec le plus de confiance. Votre impression néanmoins a été confirmée par de petits détails, par des choses dont l'anomalie précisément vous a frappé. Ainsi, ce double nom, vous ne l'avez pas questionné à ce propos ? Si, deux fois. La première, il m'a répondu que c'était sa tante qui s'appelait Beaubois et sa mère, Dormival. Et la seconde ? Le contraire. Il a parlé de sa mère Beaubois et de sa tante Dormival. Je le lui ai fait remarquer. Il a rougi, je n'ai pas insisté. Il demeure loin de Paris ? Au fond de la Bretagne, le manoir d'Elzéven, à 8 kilomètres de Carhaix. Rénine médita durant quelques minutes, puis se décidant, il dit au vieillard. « Je ne veux pas déranger, mademoiselle Geneviève, mais répétez-lui exactement ceci. Geneviève, le monsieur qui t'a sauvé s'engage sur l'honneur à te ramener ton fiancé d'ici 3 jours. Écris à Jean-Louis un mot que ce monsieur lui remettra. » Le vieillard semblait stupéfait. Il balbutia. « Vous pourriez ? Ma pauvre fille échapperait à la mort ? Elle serait heureuse. » Et il ajouta d'une voix à peine perceptible et avec une attitude où il y avait comme de la honte. « Oh, monsieur, faites vite, car la conduite de ma fille me laisse supposer qu'elle a oublié tous ses devoirs et qu'elle ne veut pas survivre à un déshonneur qui bientôt serait public. »« Silence, monsieur, » ordonna Rénine. « Il y a des paroles qu'on ne doit pas prononcer. » Le soir même, Rénine prenait avec Hortense le train de Bretagne. À 10 heures du matin, ils arrivaient à Carhaix, et à 12h30, après avoir déjeuné, ils montaient dans une automobile empruntée à un notable de l'endroit. « Vous êtes un peu pâle, cher ami, » dit Rénine en riant, lorsqu'ils descendirent devant le jardin d'Elzéven. « J'avoue, » dit-elle, « que cette histoire m'émeut beaucoup. Une jeune fille qui, deux fois, affronte la mort, quel courage il lui faut. Alors j'ai peur. » « Peur de quoi ? Que vous ne puissiez réussir. Vous n'êtes pas inquiet ?»« Cher ami, » répondit-il, « je vous étonnerais sans doute infiniment si je disais que j'éprouve plutôt une certaine gaieté. »« Pourquoi donc ? Je ne sais pas. L'histoire qui vous émeut, à juste titre, me semble à moi contenir un certain fond comique. Dormival, Beaubois, cela vous a un parfum vieillot et un peu moisi. Croyez-moi, cher ami, et reprenez votre sang-froid. Vous venez ?» Il passa la barrière centrale. Elle était flanquée de 2 portillons marqués, l'un au nom de Madame Dormival, l'autre à celui de Madame Beaubois. Chacun de ces portillons ouvrait sur des sentiers qui, parmi des massifs d'aucubas et de buis, s'en allaient à droite et à gauche de la principale avenue. Celle-ci conduisait à un vieux manoir long et bas, pittoresque, mais pourvu de 2 ailes disgracieuses, lourdes, différentes l'une de l'autre, sur le côté desquelles aboutissaient chacun des sentiers latéraux. À gauche demeurait évidemment Madame Dormival, à droite Madame Beaubois. Un bruit de voix arrêta Hortense et Rénine. Ils écoutèrent. C'étaient des voix aiguës et précipitées qui se querellaient, et tout cela jaillissait par une des fenêtres du rez-de-chaussée, lequel était de plein pied, et vêtu tout son long de vignes rouges et de roses blanches. « Nous ne pouvons plus avancer, » dit Hortense. « C'est indiscret. »« Raison de plus, » murmura Rénine. « L'indiscrétion en ce cas est un devoir, puisque nous venons pour nous renseigner. Tenez, en marchant tout droit, nous ne serons pas aperçus des gens qui se disputent. » De fait, le bruit de la querelle ne se calma point, et lorsqu'ils arrivèrent près de la fenêtre ouverte qui était voisine de la porte d'entrée, il leur suffit de regarder et d'écouter pour voir et entendre, à travers les roses et les feuilles, deux vieilles dames qui criaient à tue-tête et se menaçaient du poing. Elles se trouvaient au premier plan d'une vaste salle à manger, dont la table était encore mise, et derrière cette table, un jeune homme, Jean-Louis certainement, fumait sa pipe et lisait un journal sans paraître se soucier des deux mégères. L'une, maigre et haute, était habillée de soie prune, et portait une chevelure à boucles trop blondes pour le visage flétri autour duquel elle tourbillonnait. L'autre, plus maigre encore, mais toute petite, se trémoussait dans une robe de chambre en percale et montrait une figure rousse et fardée que la colère enflammait. « Une teigne que vous êtes, » glapissait-elle, « méchante comme pas une et voleuse par-dessus le marché. »« Moi, voleuse ?» hurlait l'autre. « Et le coup des canards à 10 francs pièce, c'est pas du vol, ça ?» « Taisez-vous, gredine. Le billet de 50 sur ma toilette, qui est-ce qui l'avait chipé ? Ah, Seigneur Dieu, vivre avec une pareille saleté !» L'autre bondit sous l'outrage et apostrophant le jeune homme. « Eh bien quoi, Jean ? Tu la laisses m'insulter, ta Rose d'Ormival ?» Et la grande repartit, furieuse. « Rose, tu l'entends, Louis ? La voilà ta Beaubois avec ses airs de vieille cocotte, mais fais-la donc taire !» Brusquement, Jean-Louis frappa la table du poing, ce qui fit sauter les assiettes et proféra. « Fichez-moi la paix toutes deux, vieille folle !» Du coup, elles se retournèrent contre lui et l'accablèrent d'injures. « Lâche, hypocrite, menteur, mauvais fils, fils de coquine et coquin toi-même !» Les insultes pleuvaient sur lui. Il se boucha les oreilles et se démena devant la table comme un homme à bout de patience et qui se retient pour ne pas tomber sur l'adversaire à bras raccourcis. Rénine dit tout bas « Qu'est-ce que je vous avais annoncé ? À Paris le drame, ici la comédie, entrons !» Au milieu de ces gens déchaînés, protesta la jeune femme. « Justement, cependant, cher ami, nous ne sommes pas venus ici pour espionner, mais pour agir. Sans masque, on les verra mieux. » Et d'un pas résolu, il marcha vers la porte, l'ouvrit et entra dans la salle, suivi d'Hortense. Son apparition provoqua de la stupeur. Les deux femmes s'interrompirent, toutes rouges et frémissantes de colère. Jean-Louis se leva, très pâle. Profitant du désarroi général, Rénine prit vivement la parole. « Permettez-moi de me présenter, le prince Rénine. Madame Daniel, nous sommes des amis de Mademoiselle Geneviève Aymard et c'est en son nom que nous venons. Voici une lettre écrite par elle et qui vous est adressée, monsieur. » Jean-Louis, déjà déconcerté par l'irruption de ses nouveaux venus, perdit contenance en entendant le nom de Geneviève. Sans trop savoir ce qu'il disait, et pour répondre au procédé courtois de Rénine, il voulut à son tour faire la présentation et laissa tomber cette phrase ahurissante. « Madame d'Ormival, ma mère. Madame Vaubois, ma mère. » Il y eut un silence assez long. Rénine salua. Hortense ne savait pas à qui tendre d'abord la main. À la mère Madame d'Ormival ou à la mère Madame Vaubois. Mais il se passa ceci que Madame d'Ormival et que Madame Vaubois, toutes deux en même temps, essayèrent de saisir la lettre que Rénine tendait à Jean-Louis et que toutes deux à la fois marmottaient. Mademoiselle Aymard, elle a de l'aplomb, elle a de l'audace. Alors Jean-Louis, recouvrant quelque sang-froid, empoigna sa mère d'Ormival et la fit sortir par la gauche, puis sa mère Vaubois et la fit sortir par la droite. Et revenant vers les deux visiteurs, il décacheta l'enveloppe et lut à demi-voix. « Jean-Louis, je vous prie de recevoir le porteur de cette lettre. Ayez confiance en lui. Je vous aime, Geneviève. » C'était un homme un peu lourd d'aspect, dont le visage très brun, maigre et osseux, avait bien cette expression de mélancolie et de détresse que le père de Geneviève avait signalée. Vraiment, la souffrance était visible en chacun des traits tourmentés comme dans ses yeux douloureux et inquiets. Il répéta plusieurs fois le nom de Geneviève, tout en regardant autour de lui distraitement. Il semblait chercher une ligne de conduite. Il semblait sur le point de donner des explications. Mais il ne trouvait rien. Cette intervention l'avait désemparé, comme une attaque imprévue à laquelle il ne savait par quelle riposte répondre. Rénine sentit qu'à la première sommation, l'adversaire capitulerait. Il avait tellement lutté depuis quelques mois et tellement souffert dans la retraite et dans le silence opiniâtre où il s'était réfugié qu'il ne songeait pas à se défendre. Le pouvait-il, d'ailleurs, maintenant qu'on avait pénétré dans l'intimité de son abominable existence ? Rénine l'attaqua brusquement. « Monsieur, deux fois déjà, depuis la rupture, Geneviève Aymard a voulu se tuer. Je viens vous demander si sa mort inévitable et prochaine doit être le dénouement de votre amour. » Jean-Louis s'écroula sur une chaise et enfouit sa figure entre ses deux mains. « Oh » dit-il, « elle a voulu se tuer. Oh, est-ce possible ?» Rénine ne lui laissa point de répit. Il lui frappa l'épaule et se penchant. « Soyez persuadé, monsieur, que vous avez intérêt à vous confier à nous. Nous sommes les amis de Geneviève Aymard. Nous lui avons promis notre assistance. N'hésitez pas, je vous en supplie. » Le jeune homme releva la tête. « Puis-je hésiter ? » dit-il avec lassitude. « Après ce que vous m'avez révélé ? Le puis-je après ce que vous venez d'entendre ici, tout à l'heure ? Mon existence, vous la devinez. Que me reste-t-il à vous dire pour que vous la connaissiez tout entière et pour que vous en rapportiez le secret à Geneviève ? Ce secret ridicule et redoutable qui lui fera comprendre pourquoi je ne suis pas retourné près d'elle et pourquoi je n'ai pas le droit d'y retourner. Rénine jeta un coup d'œil à Hortense. 24 heures après les aveux du père de Geneviève, il obtenait, par les mêmes procédés, les confidences de Jean-Louis. Toute l'aventure apparaissait confessée par les deux hommes. Jean-Louis avança un fauteuil pour Hortense. Rénine et lui s'assirent et il prononça, sans qu'il fût besoin de le prier davantage, et comme s'il éprouvait même quelque soulagement à se confesser. « Ne soyez pas trop étonné, monsieur. Si je raconte mon histoire avec quelque ironie, car en vérité, c'est une histoire franchement comique et qui ne peut manquer de vous faire rire. Le destin s'amuse souvent à jouer de ces tours imbéciles, de ces farces énormes que l'on dirait imaginées par un cerveau de fou ou par un ivrogne. Jugez-en. Il y a 27 ans, le manoir d'Elseven, composé à cette époque du seul corps de logis principal, était habité par un vieux médecin qui, pour augmenter ses modiques ressources, recevait parfois un ou deux pensionnaires. C'est ainsi qu'une année Madame Dormival passa ici l'été et Madame Vaubois l'été suivant. Or, ces deux dames, qui ne se connaissaient pas d'ailleurs, dont l'une était mariée à un capitaine au long cours breton et l'autre à un voyageur de commerce vendéen, perdirent en même temps leur mari, et cela à une époque où toutes deux étaient enceintes. Et comme elles demeuraient à la campagne, dans des endroits éloignés de tout centre, elles écrivirent au docteur qu'elles viendraient chez lui pour y faire leur couche. Il accepta. Elles arrivèrent presque en même temps, à l'automne. Deux petites chambres, situées derrière cette salle, les attendaient. Le docteur avait engagé une garde qui couchait ici même. Tout allait pour le mieux. Ces dames achevaient les layettes et s'entendaient parfaitement. Résolues à n'avoir que des fils, elles leur avaient choisi ces noms, Jean et Louis. Or, un soir, le docteur, appelé en consultation, partit dans son cabriolet avec le domestique en annonçant qu'il ne pourrait revenir que le lendemain. Le maître absent, une fillette, qui servait de bonne, s'en alla rejoindre son amoureux. Autant de hasards dont le destin profita avec une méchanceté diabolique. Vers minuit, Madame Dormival ressentit les premières douleurs. La garde, Mademoiselle Boussignol, laquelle était un peu sage-femme, ne perdit pas la tête. Mais une heure après, ce fut le tour de Madame Vaubois, et le drame, disons plutôt la tragicomédie, se déroula parmi les cris et les gémissements des deux patientes, dont l'agitation effarée de la garde qui courait de l'une à l'autre se lamentait, ouvrait la fenêtre pour appeler le docteur, ou se jetait à genoux pour implorer la Providence. La première, Madame Vaubois, mit au monde un garçon que Mademoiselle Boussignol apporta en hâte dans cette salle, qu'elle soigna, lava et déposa au creux du berceau qui lui était réservé. Mais Madame Dormival poussait des hurlements de douleur et la garde dut s'employer aussi près d'elle, tandis que le nouveau-né s'épuisait en cris de bête qu'on égorge et que la mère, terrifiée, clouée au lit de sa chambre, s'évanouissait. Ajoutez à cela toutes les misères du désordre et de l'obscurité, l'unique lampe où il n'y a plus de pétrole, les bougies qui s'éteignent, le bruit du vent, le piaulement des chouettes, et vous comprendrez que Mademoiselle Boussignol était folle d'épouvante. Enfin, à 5 heures après des incidents tragiques, elle apportait ici le petit Dormival, un garçon également, le soignait, le lavait, l'étendait dans son berceau et repartait au secours de Madame Vaubois qui, revenue à elle, vociférait, puis de Madame Dormival qui, à son tour, perdait connaissance. Et lorsque Mademoiselle Boussignol, débarrassée des deux mères, mais ivre de fatigue, le cerveau tumultueux, retourna près des nouveau-nés, elle s'aperçut avec horreur qu'elle les avait enveloppés avec des langes semblables, chaussés avec des chaussons de laine identiques et couchés tous de côte à côte dans le même berceau. De sorte qu'on ne pouvait savoir qui était Louis Dormival et qui était Jean Vaubois. En outre, comme elle soulevait l'un d'eux, elle constata qu'il avait les mains glacées et qu'il ne respirait plus. Il était mort. Comment s'appelait celui-là? Et comment celui qui survivait? 3 heures plus tard, le docteur trouvait les deux femmes éperdues et délirantes, et la garde se traînant devant leur lit et implorant son pardon. Tour à tour, elle m'offrait à leurs caresses, moi, le survivant. Et tour à tour, elle m'embrassait et me repoussait. Car enfin, qui étais-je? Le fils de la veuve Dormival et de feu le capitaine au long cours? Ou le fils de Madame Vaubois et de feu le voyageur de commerce? Aucun indice ne permettait de se prononcer. Le docteur supplia chacune de mes deux mères de sacrifier ses droits, du moins au point de vue légal, afin que je puisse m'appeler Louis Dormival ou Jean Vaubois. Elles s'y refusèrent, énergiquement. « Pourquoi Jean Vaubois si c'est un Dormival ?» protesta l'une. « Pourquoi Louis Dormival si c'est un Jean Vaubois ?» riposta l'autre. « Je fus déclaré sous le nom de Jean-Louis, fils de père et de mère inconnus. » Le prince Rénine avait écouté silencieusement, mais Hortense, à mesure que le dénouement approchait, s'était laissé gagner par une hilarité qu'elle contenait avec peine et dont le jeune homme ne pouvait manquer de s'apercevoir. « Excusez-moi, » bégayait-elle, les larmes aux yeux. « Excusez-moi, c'est nerveux. » Il répondit doucement, sans amertume. « Ne vous excusez pas, madame. Je vous ai averti que mon histoire est de celles qui font rire, et que j'en connaissais mieux que personne, la niaiserie et l'absurdité. Oui, tout cela est burlesque. Mais croyez-moi, si je vous dis que dans la réalité, ce ne fut pas drôle. Situation comique en apparence et qui, par la force des choses, demeure comique, mais... « Situation affreuse. Vous voyez cela d'ici, n'est-ce pas ?» Les deux mères, dont aucune des deux n'était sûre d'être la mère, mais dont aucune n'était sûre de ne point l'être, se cramponnant à Jean-Louis. C'était peut-être un étranger, mais c'était peut-être l'enfant de leur chair et de leur sang. Elles l'aimèrent à l'excès et se le disputèrent avec rage. Et surtout, elles en arrivèrent toutes deux à se haïr d'une haine mortelle. Différentes de caractère et d'éducation, obligées de vivre l'une près de l'autre, puisqu'aucune ne voulait renoncer au bénéfice de sa maternité possible, elles vécurent en ennemis que rien ne désarme. C'est au milieu de cette haine que je grandis, c'est cette haine que l'une et l'autre m'apprirent. Si mon cœur d'enfant, avide de tendresse, me portait vers l'une d'elles, l'autre m'insinuait le mépris et l'exécration. Dans ce manoir qu'elles achetèrent à la mort du vieux médecin et qu'elles flanquèrent de deux pavillons, je fus leur bourreau involontaire et leur victime de chaque jour. Enfance torturée, adolescence effroyable, je ne crois pas qu'un être ait souffert plus que moi. Il fallait les quitter, s'écria Hortense, qui ne riait plus. On ne quitte pas sa mère, et l'une de ses femmes est ma mère, et l'on n'abandonne pas son fils, et chacune d'elles peut croire que je suis son fils. Nous étions rivés tous les trois les uns aux autres comme des forçats, rivé par la douleur, par la compassion, par le doute, par l'espoir aussi que la vérité éclaterait peut-être un jour. Et nous sommes encore là, tous les trois, à nous injurier et à nous reprocher notre vie perdue. Ah, quel enfer! Comment s'évader? Plusieurs fois je l'ai tenté, vainement. Les liens rompus se renouaient. Cet été encore, dans l'élan de mon amour pour Geneviève, j'ai voulu m'affranchir. Et j'ai tâché de convaincre les deux femmes que j'appelle maman, et puis je me suis heurté à leur plainte, à leur haine immédiate contre l'épouse, contre l'étrangère que je leur imposais. J'ai cédé. Qu'aurait fait Geneviève ici, entre madame Dormival et madame Vaubois, avais-je le droit de la sacrifier? Jean-Louis, qui s'était animé peu à peu, prononça ces dernières paroles d'une voix ferme, comme s'il eût voulu qu'on attribue à sa conduite à des raisons de conscience et au sentiment de ses devoirs. En réalité, Hérénine et Hortense ne s'y trompèrent point, c'était un faible, incapable de réagir contre une situation absurde dont il avait souffert depuis son enfance et qui s'était imposée à lui comme irrémédiable et définitive. Il la supportait ainsi qu'une lourde croix qu'on n'a pas le droit de rejeter, et en même temps il en avait honte. En face de Geneviève, il s'était tu par crainte du ridicule et depuis, retourné dans sa prison, il y demeurait par habitude et par veulerie. Il s'assit devant un secrétaire et, rapidement, écrivit une lettre qu'il tendit à Rénine. « Vous voudrez bien vous charger de ces quelques mots pour mademoiselle Aymar, » dit-il, et la supplie encore de me pardonner. Rénine ne bougea pas et, comme l'autre insistait, il prit la lettre et la déchira. « Que signifie ?» questionna le jeune homme. Cela signifie que je ne me charge d'aucune missive. Pourquoi donc? Parce que vous allez venir avec nous. Moi? Que vous serez demain près de mademoiselle Aymar et que vous ferez votre demande en mariage. Jean-Louis regarda Rénine d'un air où il y avait quelque dédain et comme s'il eût pensé: voilà un monsieur qui n'a rien compris aux événements que je lui ai exposés. Hortense s'approcha de Rénine. Dites-lui que Geneviève a voulu se tuer, qu'elle se tuera fatalement. Inutile. Les choses se passeront comme je l'annonce. Nous partirons tous les trois dans une heure ou deux. La demande en mariage aura lieu demain. » Le jeune homme haussa les épaules et ricana. « Vous parlez avec une assurance. » « J'ai des motifs pour parler ainsi. On prendra un motif. »« Quel motif ?»« Je vous en dirai un seul, mais qui suffira, si vous voulez bien m'aider dans mes recherches. »« Des recherches ? Dans quel but ? » fit Jean-Louis. « Dans le but d'établir que votre histoire n'est pas entièrement exacte. » Jean-Louis se rebiffa. « Je vous prie de croire, monsieur, que je n'ai pas dit un mot qui ne soit l'exacte vérité. »« Je m'explique mal, » reprit Rénine, avec beaucoup de douceur. « Vous n'avez certes pas dit un mot qui ne soit conforme à ce que vous croyez être l'exacte vérité, mais cette vérité n'est pas, ne peut pas être ce que vous la croyez. » Le jeune homme se croisa les bras. « Il y a des chances, en tout cas, monsieur, pour que je la connaisse mieux que vous. »« Pourquoi mieux ? Ce qui s'est passé au cours de cette nuit tragique ne vous est forcément connu que de seconde main. Vous n'avez aucune preuve. Madame d'Ormival et Madame Beaubois non plus. Aucune preuve de quoi ? S'écria Jean impatienté. Aucune preuve de la confusion qui s'est produite. Comment ? Mais c'est une certitude absolue. Les deux enfants ont été déposés dans le même berceau, sans qu'aucun signe les distinguât l'un de l'autre. La garde n'a pas pu savoir. C'est du moins, interrompit Rénine, la version qu'elle donne. Que dites-vous ? La version qu'elle donne. Mais c'est accuser cette femme. Je ne l'accuse pas. Mais si, vous l'accusez de mentir. « Mentir, pourquoi ? Elle n'y avait aucun intérêt, et ses larmes, son désespoir, autant de témoignages qui confirment sa bonne foi, car enfin, les deux mères étaient là, elles ont vu pleurer cette femme, elles l'ont interrogée, et puis je le répète, quel intérêt ?» Jean-Louis était fort surexcité. Près de lui, Madame d'Ormival et Madame Vaubois, qui sans doute écoutaient aux portes et qui étaient entrées sournoisement, balbutiaient, stupéfaites. « Non, non, c'est impossible !» 100 fois nous l'avons questionnée depuis. Pourquoi aurait-elle menti ? Parlez, parlez, monsieur, ordonna Jean-Louis. Expliquez-vous. Dites-nous les raisons pour lesquelles vous essayez de mettre en doute la vérité certaine. Parce que cette vérité n'est pas admissible, déclara Rénine, qui haussa la voix et à son tour s'anima jusqu'à ponctuer ses phrases de coups sur la table. Non, les choses ne s'accomplissent pas ainsi. Non, le destin n'a pas de ces raffinements de cruauté. Et les hasards ne s'ajoutent pas les uns aux autres avec tant d'extravagance. Hasard inouï déjà, que la nuit même où le docteur, son domestique et sa servante ont quitté la maison, les deux dames justement soient prises aux mêmes heures des douleurs de l'accouchement et mettent au monde en même temps 2 fils. N'ajoutons pas à cela un événement plus exceptionnel encore. Assez de maléfices, assez de lampes qui s'éteignent et de bougies qui ne brûlent pas. Non, 1000 fois non. Il n'est pas admissible qu'une sage-femme s'embrouille dans ce qui est l'essentiel de son métier. Si affolée qu'elle soit par l'imprévu des circonstances, il y a en elle un reste d'instinct qui veille et qui fait que chacun des deux enfants a sa place désignée et se distingue de l'autre. Alors même qu'ils sont couchés côte à côte, l'un est à droite, l'autre est à gauche. Alors même qu'ils sont enveloppés de langes semblables, il y a un petit détail qui diffère, un rien que la mémoire enregistre et qui se retrouve fatalement sans qu'il soit besoin de réfléchir. Une confusion ? Je la nie. L'impossibilité de savoir ? Mensonge. Dans le domaine de la fiction, oui, on peut imaginer toutes les fantaisies et accumuler toutes les contradictions. Mais dans la réalité, au centre même de la réalité, il y a toujours un point fixe. Un noyau solide autour duquel les faits viennent se grouper d'eux-mêmes, suivant un ordre logique. J'affirme donc, de la façon la plus formelle, que la garde Boussignol n'a pas pu confondre les deux enfants. Il disait cela avec autant de netteté que s'il eût assisté aux événements de cette nuit, et sa puissance de persuasion était telle que du premier coup, il ébranlait la certitude de ceux qui n'avaient jamais douté depuis un quart de siècle. Les deux femmes et leur fils se pressaient autour de lui et l'interrogeaient avec une angoisse haletante. « En ce cas, selon vous, elle saurait ? Elle pourrait révéler ?» Il rectifia. « Je ne me prononce pas. Je dis seulement qu'il y a eu dans sa conduite, durant ces heures-là, quelque chose qui n'est d'accord ni avec ses paroles, ni avec la réalité. Tout l'énorme et intolérable mystère qui a pesé sur vous trois provient, non d'une minute d'inattention, mais bien de ce quelque chose que nous ne discernons pas et qu'elle connaît elle. Voilà ce que je prétends. » Jean-Louis eut un sursaut de révolte. Il voulait échapper à l'étreinte de cet homme. « Oui, ce que vous prétendez, dit-il. Voilà ce qui fut, accentua violemment Rénine. Il n'est nul besoin d'assister à un spectacle pour le voir, ni d'écouter des paroles pour les entendre. La raison et l'intuition nous donnent des preuves aussi rigoureuses que les faits eux-mêmes. La garde Boussignol détient, dans le secret de sa conscience, un élément de vérité qui nous est inconnu. D'une voix sourde, Jean lui articula. Elle vit. Elle habite Carhaix. On peut la faire venir. Aussitôt l'une des deux mères s'écria. J'y vais, je la ramène. Non, dit Rénine, pas vous, aucun de vous trois. Hortense proposa. Voulez-vous que j'y aille? Je prends l'automobile et je décide cette femme à m'accompagner. Où demeure-t-elle? Au centre de Carhaix, dit Jean-Louis. Une petite boutique de mercerie. Le chauffeur vous indiquera. Mademoiselle Boussignol, tout le monde la connaît. Et surtout, cher ami, ajouta Rénine, ne la prévenez de rien. S'il s'inquiète, tant mieux. Mais qu'elle ne sache pas ce qu'on veut d'elle. C'est là une précaution indispensable, si vous voulez réussir. 30 minutes s'écoulèrent dans le silence le plus profond. Rénine se promenait à travers la pièce où de beaux meubles anciens, de belles tapisseries, des reliures et de jolis bibelots dénotaient chez Jean-Louis une recherche d'art et de style. Cette pièce était réellement la sienne. À côté, par les portes entr'ouvertes sur les logements contigus, on pouvait constater le mauvais goût des deux mères. Rénine se rapprocha du jeune homme et murmura. « Elles sont riches ?»« Oui. Et vous ?»« Elles ont voulu que ce manoir avec toutes les terres environnantes m'appartînt, ce qui assure largement mon indépendance. »« Elles ont de la famille ?»« Des sœurs, l'une et l'autre. »« Auprès de qui elles pourraient se retirer ?»« Oui, elles y ont pensé quelquefois, mais... »« Monsieur, il ne sort de question de cela, et je crains bien que votre intervention n'aboutisse qu'à un échec. »« Encore une fois... » Je vous affirme. L'automobile arrivait cependant. Les deux femmes se levèrent précipitamment, déjà prêtes à parler. Laissez-moi faire, dit Rénine, et ne vous étonnez pas de ma façon de procéder. Il ne s'agit pas de lui poser des questions, mais de lui faire peur, de l'étourdir. Dans son désarroi, elle parlera. L'auto contourna la pelouse et s'arrêta devant les fenêtres. Hortense sauta et tendit la main à une vieille femme. Coiffée d'un bonnet de linge tuyauté, vêtue d'un corsage de velours noir et d'une lourde jupe froncée. Elle entra avec effarement. Elle avait un visage de belette, tout pointu, et qui se terminait en un museau armé de petites dents qui sortaient. « Qu'est-ce qu'il y a, madame d'Ormival ? » fit-elle en pénétrant avec crainte dans cette pièce d'où le docteur l'avait chassée jadis. « Bien le bonjour, madame Vaubois. » Ces dames ne répondirent pas. Rénine s'avança et dit d'un ton sévère « « Ce qu'il y a, mademoiselle Boussignol, je vais vous le communiquer, et j'insiste vivement auprès de vous pour que vous pesiez bien chacune de mes paroles. » Il avait l'air d'un juge d'instruction pour qui la culpabilité de la personne interrogée n'est point contestable. Il formula. « Mademoiselle Boussignol, je suis délégué par la police de Paris pour faire la lumière sur un drame qui a eu lieu ici il y a 27 ans. Or, dans ce drame, où vous avez tenu un rôle considérable, je viens d'acquérir la preuve que vous avez altéré la vérité et que, par suite de vos fausses déclarations, l'état civil d'un des enfants nés au cours de cette nuit-là n'est pas exact. En matière d'état civil, les fausses déclarations constituent des crimes punis par la loi. Je suis donc forcé de vous conduire à Paris pour y subir, en présence de votre avocat, l'interrogatoire de rigueur. À Paris ? Mon avocat ? Gémit mademoiselle Boussignol. Il le faut bien, mademoiselle, puisque vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrestation. À moins que, insinua Rénine, à moins que vous ne soyez prête, dès maintenant, à faire tous aveux susceptibles de réparer les conséquences de votre faute. La vieille fille tremblait de tous ses membres. Ses dents s'entrechoquaient. Elle était manifestement incapable d'opposer à Rénine la plus petite résistance. Êtes-vous décidée à tout avouer ? Demanda-t-il. Elle risqua. Je n'ai rien avoué puisque je n'ai rien fait. Alors nous partons, dit-il. Non, non, implora-t-elle. Ah, mon bon monsieur, je vous en supplie. Êtes-vous décidé ? Oui, fit-elle dans un souffle. Immédiatement, n'est-ce pas ? L'heure du train me presse. Il faut que cette affaire soit réglée séance tenante. À la moindre hésitation de votre part, je vous emmène. Nous sommes d'accord. Oui. Allons-y carrément. Pas de subterfuge, pas de faux fuyant. Il désigna Jean-Louis. De qui, monsieur, est-il le fils ? De madame d'Ormival ? Non. De madame Vaubois, par conséquent ? Non. Un silence de stupeur accueillit cette double réponse. Expliquez-vous, ordonna Rénine en regardant sa montre. Alors, mademoiselle Boussignol tomba à genoux et raconta, d'un ton si bas et d'une voix si altérée, qu'ils durent tous se pencher sur elle pour percevoir à peu près le sens de son bredouillement. Quelqu'un est venu le soir, un monsieur qui apportait dans des couvertures un enfant nouveau-né qu'il voulait confier au docteur. Comme le docteur n'était pas là, il est resté toute la nuit à l'attendre et c'est lui qui a tout fait. « Quoi ? Qu'a-t-il donc fait ? Exigea Rénine. Que s'est-il passé ? Il avait saisi la vieille par les deux mains et la tenait sous son regard impérieux. Jean-Louis et les deux mères étaient penchés sur elle, haletants et anxieux. Leur vie dépendait des quelques mots qui allaient être prononcés. Elle les articula, ces mots, en joignant les mains comme on fait la confession d'un crime. Eh bien, il s'est passé que ce n'est pas un enfant qui est mort, mais tous les deux. Celui de madame d'Ormival et celui de madame Vaubois. Tous les deux dans des convulsions. Alors le monsieur, voyant cela, m'a dit... Je me rappelle toutes ces phrases. Le son de sa voix, tout. Il m'a dit... Les circonstances m'indiquent mon devoir. Je dois saisir cette occasion pour que mon garçon, à moi, soit heureux et bien soigné. Mettez-le à la place d'un de ceux qui sont morts. Il m'offrit une grosse somme en disant que ça le débarrasserait d'un coup de frais à payer chaque mois pour son gosse, et j'acceptais. Seulement, à la place duquel le mettre ? Fallait-il que le garçon devienne Louis d'Ormival ou Jean Vaubois ? Il réfléchit un instant et répondit « Ni l'un ni l'autre ». Et alors il m'expliqua comment je devais m'y prendre et ce que je devais raconter quand il serait parti. Et pendant que j'habillais son garçon avec des langes et des tricots pareils à ceux de l'un des petits morts, lui, il enveloppa l'autre petit avec des couvertures qu'il avait apportées et il s'en alla dans la nuit. Mademoiselle Boussignol baissa la tête et pleura. Après un moment, Rénine lui dit, l'intonation plus bienveillante. « Je ne vous cacherai pas que votre déposition s'accorde avec l'enquête que j'ai poursuivie de mon côté. On vous en tiendra compte. Je n'irai pas à Paris ? Non. Vous ne m'emmènerez pas ? Je peux me retirer ? Vous pouvez vous retirer. C'est fini pour l'instant. » « Et on ne causera pas de tout ça dans le pays ?»« Non. Ah, un mot encore. Vous connaissez le nom de cet homme ?»« Il ne me l'a pas dit. Vous l'avez revu ?»« Jamais. Vous n'avez pas autre chose à déclarer ?»« Rien. Vous êtes prête à signer le texte écrit de votre confession ?»« Oui. C'est bien. Dans une semaine ou deux, vous serez convoqué. D'ici là, pas un mot, à personne. » Elle se releva et fit un signe de croix. Mais ses forces la trahirent. Et elle dut s'appuyer sur Rénine. Il la conduisit dehors et ferma la porte derrière elle. Quand il revint, Jean-Louis était entre les deux vieilles dames et tous les trois se tenaient par la main. Le lien de haine et de misère qui les unissait était brisé tout à coup et cela mettait entre eux aussitôt, sans qu'ils eussent besoin de réfléchir, une douceur et un apaisement dont ils n'avaient pas conscience mais qui les rendaient graves et recueillis. Brusquons les choses, dit Rénine à Hortense. C'est l'instant décisif de la bataille. Il faut embarquer Jean-Louis. Hortense paraissait distraite. Elle murmura. Pourquoi avez-vous laissé partir cette femme ? Vous êtes satisfait de sa déposition ? Je n'ai pas été satisfait. Elle a dit ce qui s'est passé. Que voulez-vous de plus ? Rien, je ne sais pas. Nous en reparlerons, cher ami. Pour l'instant, je le répète, il faut embarquer Jean-Louis. Et tout de suite, sinon... Et s'adressant au jeune homme, il dit... Vous estimez comme moi, n'est-ce pas, que les événements vous imposent, ainsi qu'à madame Vaubois et madame d'Ormival, une séparation qui vous permettra, à tous trois, de voir clair et de vous résoudre en toute liberté d'esprit. Venez avec nous, monsieur. Ce qu'il y a de plus urgent, c'est de sauver Geneviève Aymard, votre fiancée. Jean-Louis demeurait perplexe. Rénine se retourna vers les deux femmes. C'est votre avis, je n'en doute pas, n'est-ce pas, mesdames ? Elles firent un signe de tête. « Vous voyez, monsieur, dit-il à Jean-Louis, nous sommes tous d'accord. Dans les grandes crises, il faut le recul de la séparation. Oh, pas bien longtemps, peut-être. Quelques jours de répit, après lesquels il vous sera loisible d'abandonner Geneviève Aymard et de reprendre votre existence. Mais ces quelques jours sont indispensables. Vite, monsieur. » Et sans lui laisser le temps de réfléchir, l'étourdissant de paroles, persuasif et obstiné, il le poussa vers son appartement. Une demi-heure après, Jean-Louis quittait le manoir. et il n'y retournera que marié, dit Rénine à Hortense, alors qu'ils traversaient la station de Guingamp où l'automobile les avait menés et que Jean-Louis s'occupait de sa malle. « Tout est pour le mieux, vous êtes contente ?»« Oui, la pauvre Geneviève sera heureuse, » répondit-elle distraitement. Une fois installés dans le train, ils allèrent tous deux au wagon-restaurant. À la fin du dîner, Rénine, qui avait adressé à Hortense plusieurs questions auxquelles la jeune femme n'avait répliqué que par des monosyllabes, protesta. « Ah ça, mais qu'est-ce qu'il y a, cher ami? Vous avez l'air soucieux. »« Moi? Mais non. Si, si, je vous connais. Allons, pas de réticence. » Elle sourit. « Eh bien, puisque vous insistez tellement pour savoir si je suis satisfaite, je dois vous dire que, évidemment, je le suis pour Geneviève Aymard. Mais que sous un autre rapport, au point de vue même de l'aventure, je conserve comme une sorte de malaise. Pour parler franc, je ne vous ai pas épaté cette fois-ci. Pas trop. Mon rôle vous semble secondaire. Car enfin, en quoi consiste-t-il? Nous sommes venus, nous avons écouté les doléances de Jean-Louis, on a fait comparaître une ancienne sage-femme et voilà, c'est fini. Justement, je me demande si c'est fini, et je n'en suis pas certaine. En vérité, nos autres aventures m'avaient laissé une impression plus... comment m'expliquer? Plus franche, plus claire. Et celle-ci vous paraît obscure? Obscur, oui, inachevé. Mais en quoi? Je ne sais pas. Cela tient peut-être aux aveux de cette femme? Oui, très probablement. Ce fut si bref et si imprévu. Parbleu, fit Rénine en riant, vous pensez bien que j'y ai coupé court. Il ne fallait pas trop d'explications. Comment? Oui, si elle avait donné des explications trop détaillées, on aurait fini par se méfier de ce qu'elle racontait. Se méfier? Dame, l'histoire est un peu tirée par les cheveux. Ce monsieur qui arrive la nuit avec un enfant dans sa poche et qui s'en va avec un cadavre, ça ne tient guère debout. Que voulez-vous, cher ami? Je n'avais pas eu beaucoup de temps pour lui souffler son rôle à la malheureuse. Hortense le regardait, abasourdie. Que voulez-vous dire? Oui, n'est-ce pas, ces femmes de la campagne, ça a la tête dure. Nous étions pressés, elle et moi. Alors nous avons bâti à la va-vite un scénario. Qu'elle n'a pas trop mal récité, d'ailleurs. Le ton y était. Effarement, trémolo, larmes. Est-ce possible? Est-ce possible? Murmura Hortense. Vous l'aviez donc vu auparavant? Il a bien fallu. Mais quand? Mais le matin, à l'arrivée. Tandis que vous refaisiez un brin de toilette à l'hôtel de Carhaix, moi je courais aux renseignements. Vous pensez bien que le drame d'Ormival Vaubois est connu dans la région. Tout de suite, on m'a indiqué l'ancienne sage-femme, Mademoiselle Boussignol. Avec Mademoiselle Boussignol, ça n'a pas traîné. 3 minutes pour établir la nouvelle version de ce qui s'était passé et 10 000 francs pour qu'elle consente à répéter devant les gens du manoir cette version plus ou moins invraisemblable. Tout à fait invraisemblable. Pas tant que cela, cher ami, puisque vous y avez cru, et les autres également, et c'était l'essentiel. Il fallait, d'un coup d'épaule, démolir une vérité de 27 ans. Une vérité d'autant plus solide qu'elle était bâtie sur les faits eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai foncé dessus de toutes mes forces et je l'ai attaqué à coups d'éloquence. L'impossibilité d'identifier les deux enfants, je la nie. La confusion, mensonge. Vous êtes tous les trois victimes de quelque chose que j'ignore mais que votre devoir est d'éclaircir. Facile, s'écrie Jean-Louis, tout de suite ébranlé. Faisons venir Mademoiselle Boussignol. Faisons l'avenir. Sur quoi Mademoiselle Boussignol arrive et débite en sourdine le petit discours que je lui ai seriné. Coup de théâtre. « Stupeur, j'en profite pour enlever le jeune homme. » Hortense hocha la tête. « Mais ils se reprendront tous les trois, ils réfléchiront. Jamais de la vie. Qu'ils aient des doutes, peut-être. Mais jamais ils ne consentiront à avoir des certitudes. Jamais ils n'accepteront de réfléchir. Comment, voilà des gens que je tire de l'enfer où ils se débattent depuis un quart de siècle et ils voudraient s'y replonger. Voilà des gens qui, par beulerie, par un faux sentiment du devoir, n'avaient pas le courage de s'évader. » Ils ne s'en cramponneraient pas à la liberté que je leur donne, allons donc, mais ils auraient avalé des bourdes encore plus indigestes que celles qui leur furent servies par Mademoiselle Boussignol. Après tout, quoi? Ma version n'est pas plus bête que la vérité, au contraire, et ils l'ont avalée toute crue. Tenez, avant notre départ, j'ai entendu Madame d'Ormival et Madame Vaubois parler de leur déménagement immédiat. Elles étaient déjà tout affectueuses l'une avec l'autre à l'idée de ne plus se voir. Mais Jean-Louis? Jean-Louis? Mais il en avait par-dessus la tête de ces deux mères. Sapristi, on n'a pas deux mères dans la vie. En voilà une situation pour un homme. Quand on a la chance de pouvoir choisir entre avoir deux mères ou n'en pas avoir du tout, fichtre, on n'hésite pas. Et puis Jean-Louis aime Geneviève, et il l'aime assez, je veux le croire, pour ne pas lui infliger deux belles mères. Allez, vous pouvez être tranquille. Le bonheur de cette jeune personne est assuré, et n'est-ce pas cela que vous désiriez? L'important, c'est le but que l'on atteint, et non pas la nature plus ou moins étrange des moyens que l'on emploie. Et s'il y a des aventures qui se dénouent et des mystères que l'on élucide, grâce à la recherche et à la découverte de bouts de cigarettes, de carafes incendiaires et de cartons à chapeau qui s'enflamment, il en est d'autres qui exigent de la psychologie, et dont la solution est purement psychologique. Hortense se tut et reprit au bout d'un instant. « Alors vraiment, vous êtes persuadé que Jean-Louis ?» Rénine parut très étonnée. « Comment ? Vous pensez encore à cette vieille histoire ? Mais c'est fini tout cela !»« Ah bien, je vous avoue qu'il ne m'intéresse plus du tout, cet homme à la double mère !» Et ce fut dit d'un ton si cocasse, avec une sincérité si amusante, qu'Hortense fut prise de rire. « À la bonne heure ! Riez, cher ami ! On voit les choses bien plus clairement à travers le rire qu'à travers les larmes, et puis... il est une autre raison pour laquelle votre devoir est de rire chaque fois que l'occasion s'en présente. Laquelle ? Vous avez de jolies dents.